Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, avec un thème aujourd'hui, la ruralité. Puisqu'en fait, la ministre de la Cohésion des Territoires s'est vue remettre vendredi dernier un rapport sur le sujet. Et Libération a détaillé les pistes pour réinvestir les villages. Si elle se défend, la ministre de la Cohésion des Territoires, d'avoir attendu les gilets jaunes pour se préoccuper du développement de la ruralité, Jacqueline Gourault reconnaît que cette crise en a confirmé la nécessité. Alors, est-ce que véritablement ce sera dans l'attente justement des ruraux, des montagnards comme nous, et puis pourquoi pas des banlieusards? On peut en douter. Alors, la géographie prioritaire, j'ai défini la ministre de la Cohésion des Territoires, c'est les déserts médicaux, les écoles et un agenda rural chargé. Le rapport qui a été remis le vendredi à Jacqueline Gourault détaille 200 mesures ambitieuses pour un meilleur accompagnement des campagnes françaises. Tous les élus auxquels un ministre a commandé un jour un rapport le savent. Si deux ou trois propositions sont retenues par le gouvernement, ils auront eu de la chance. Parmi les 200 mesures que contient celui que le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a commandé sur les ruralités, combien d'audaces vont-elles survivre aux arbitrages? Les cinq auteurs de ce travail, Daniel Labaronne, Patrice Joly, Pierre Jarliet, Cécile Gallien et Dominique Dumont, tous élus ruraux, ne se sont rien interdit. Sans doute le contexte des gilets jaunes les a-t-il poussés. Le mouvement a été le catalyseur du ressenti des territoires ruraux qui ont le sentiment d'être incompris et peu visibles, écrivent-ils. D'ailleurs, les Français place la ruralité en tête des territoires délaissés, devant les banlieues et le périurbain. 51% d'entre eux vont même jusqu'à considérer que ces territoires ont été abandonnés. Alors les priorités, au grand mot les grands remèdes, sur le modèle de ce qui a été accompli depuis 30 ans pour les banlieues. Les rapporteurs conseillent de définir une géographie prioritaire des campagnes avec des zones franches et des emplois francs. La campagne et la banlieue, même combat, les jeunes des villages n'ont pas moins de difficultés que ceux des cités. Les rapporteurs ont d'autres approches sans complexe. Sur l'agriculture, ils préconisent un changement de trajectoire radical et recommandent au gouvernement de négocier la PAC de façon à encourager le soutien aux petites exploitations à taille familiale dans la politique agricole commune. De la même manière, il lui conseille d'obliger les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, et SAFER, qui contrôlent la cession des terrains agricoles, à ne valider les ventes que si elles répondent à trois critères. La durabilité des surfaces de production, pas de pesticides, le levier en termes d'emploi, pas de céréaliers seuls sur ces 300 hectares, et la plus-value environnementale. Sur la santé, même approche carrée. La question de l'accès aux soins est devenue sans aucun doute la préoccupation numéro un des habitants des territoires ruraux. C'est ce qu'on lit dans le rapport. Tout en donnant acte au gouvernement de ses récentes décisions sur la fin du numerus clausus, ou la télémédecine. Il souligne que tout cela ne suffira pas à endiguer le problème de la démographie médicale. Et rappelle au passage que 60% des Français se déclarent favorables à des mesures plus coercitives pour lutter contre les déserts médicaux. Ils en proposent une, rendre obligatoires les stages des internes en milieu rural. Et hop, 300 médecins immédiatement disponibles. Autre secteur où les élus prêchent à fermeté, la couverture numérique. La mission demande à obliger les opérateurs à déployer le partage des données en milieu rural. Seul moyen de résorber l'intégralité des zones blanches de la téléphonie mobile. Hein, au-delà de la concurrence, bien entendu, entre opérateurs. Plus largement, les auteurs posent des principes de bon sens. Garantir l'accès à une école à moins de 20 minutes. Assurer la pérennité des petites lignes ferroviaires. Ne plus fermer d'hôpitaux ou d'écoles sans l'aval des maires. Plus facile à dire qu'à faire, si l'on en juge par le passé récent. Ainsi, les rapporteurs sont en rien méfiants sur l'une des inventions dont l'exécutif s'enorgueillit, la création de maisons France Service. Ce couteau suisse de l'administration est censé pallier les nombreuses fermetures des services publics. Les 5 élus alertent sur leur financement, estiment qu'il en faudrait davantage pour garantir l'accès à un socle de services universel à moins de 30 minutes de trajet. Ils insistent sur la formation des agents qui ne doivent pas se contenter de cliquer sur une plateforme à la place de l'administrer et demandent qu'aucune démarche ne soit uniquement dématérialisée. Alors voilà ce dont je vous ai donné la lecture, c'est un article de Libé, de vendredi dernier. Parmi la presse nationale, je pense que ce rapport est évoqué dans Libération, j'en ai pas vu évoqué dans d'autres médias. C'est pourtant quelque chose de fondamental, hein, surtout après les actions des Gilets jaunes. Que dire encore? Bien que pendant même les actions qu'il y a pu avoir localement, hein, les manifestations qu'il y a pu avoir localement, ben on a quand même fermé d'importants services publics, de nombreux services publics partout. Et puis, quand on sait aussi le danger qui pèse sur l'hôpital de Remiremont, hein, par rapport aux effectifs, par rapport aux spécialités en particulier, eh bien, on peut quand même douter de l'efficacité de ce rapport et puis des actions qui pourront être préconisées suite à ce rapport, parce que je crois quand même qu'il y a une volonté de la part du gouvernement, de nos gouvernements, de nos technocrates, de centraliser au maximum les activités et de dépouiller les zones rurales, les zones montagnardes comme la nôtre, des services publics. Hein. On a vu quand même de nombreux services publics fermés, la poste, les perceptions, pour ne citer lesquels, parmi les services publics qui me viennent à l'esprit. Puis il y a surtout, je le répète d'une manière particulièrement préoccupante, la situation de l'hôpital de Remiremont. Et puis on parle de zones rurales, hein, je pense que quand même si on développe certains services dans les zones rurales, certains services de remplacement dans les zones rurales, il n'empêche, puisque ça permettra peut-être à certains élus, à certains ministres d'inaugurer les services, il n'empêche que globalement quand même, on assiste toujours à une désertification des espaces ruraux et montagnards, dont on parle par exemple de 30 minutes pour se rendre dans un service public, pour l'accès aux soins ou autre, ben on est loin de satisfaire ce besoin des populations. Voilà, je reviendrai à ce problème en citant des exemples, certainement des exemples beaucoup plus locaux, mais je tenais quand même à relayer l'information actuelle, c'est-à-dire ce ministère de la cohésion des territoires qui est décidé à s'emparer d'un rapport donc élaboré par des élus et se poser la question, que va devenir ce 1e rapport? Est-ce que véritablement on aura une préoccupation de décentralisation et puis de respecter la ruralité et les zones de montagne? Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, hein, en espérant un peu de soleil. Pas trop de sécheresse quand même, pas trop de chaleur. On a eu ce qu'on devait avoir comme température extrême. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.